Joel Miller et Sienna Dallen. Le brillant saxophoniste et la chanteuse envoûtante vous feront découvrir les pièces de leur plus récent album, Dream Cassette. Le 1er avril, vivez la musique à son meilleur avec Joel Miller et Sienna Dallen. Détails au palaismontcalm.ca. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Oui, bonjour, c'est Jean Cloutier à l'animation de l'émission Grain de sable d'Attaque Québec, mais je devrais dire d'Attaque Belgique, peut-être, ou en fait, certainement des Amis de la Terre de Belgique. Je suis en banlieue de Liège, dans ce qu'on appelle le comté de Herve, on va dire la région du Herve. Oui, le mot région est important ici. Alors, l'émission se déroulera comme ceci. Il y a Dominique Bernier, notre chroniqueur, qui est en studio, qui nous parlera de budget, évidemment. C'est un moment important dans la vie politique et il y a certainement quelques grains de sable que Dominique nous retournera en deuxième partie d'émission. En première partie, bien évidemment, j'ai visité le Salon du Livre de Paris puisque j'étais à Paris hier, alors du 24 au 27 mars, c'est le Salon du Livre de Paris. Il y avait une section Québec dont je vous parlerai un peu plus tard, les découvertes que j'y ai faites, de la présence québécoise. J'ai aussi assisté tout près du siège social d'Attaque France sur la rue Voltaire, un endroit que Claude Vaillancourt connaît bien. On s'était rencontrés là, d'ailleurs, la première fois, parce que j'avais jamais rencontré Claude Vaillancourt avant de le rencontrer aux réunions de la conférence de Paris. Donc, j'ai été juste à côté d'une librairie des plus intéressantes, une librairie qu'on appelle Quilombo, et j'ai le catalogue devant moi. Il y a plein de livres intéressants, dont ce livre qui a été lancé mercredi dernier, « Aux origines de la décroissance », avec 50 penseurs, des textes très, très intéressants. J'en parlerai un peu plus loin, mais j'aimerais vous parler aussi de ce qui se fait ici. Le mouvement Attaque, comme vous savez, c'est un mouvement mondial très présent en Europe et surtout ici en Belgique. Il y a des actions qui se font pour la semaine de lutte contre les paradis fiscaux du 1er avril au 7 avril. Et j'espère que Dominique nous informera de comment ça se passe au Québec ou comment ça va se passer à partir du poisson d'avril, du 1er avril jusqu'au 7. Il y a plein d'activités à Montréal et en espérant qu'il y en ait quelques-unes à Québec aussi. Mais ici en Belgique, il y a des actions. D'ailleurs, les gens de l'Attaque Belgique étaient en réunion ce matin à Bruxelles pour planifier quelques actions spécifiques. Il semble-t-il qu'il y a des vitres de banque à travers la Belgique qui seront lavées entre le 1er et 7 avril, lavées avec de l'eau pas tellement propre, et peut-être qu'il y aura des dessins qui se feront sur ces belles grandes vitrines qu'on trouve sur les façades des banques. Alors, on peut peut-être en parler au Québec, puisque c'est peut-être même secret en Belgique. Je vois les réactions des Amis de la Terre, dont Jacques Reny, qui avec qui on a appris à faire du greffage de pommiers. Ben oui, les Amis de la Terre ici ne font pas que des rencontres au Centre d'environnement Frédéric Dac, des conférences où on s'assoit, on écoute parler. Non, eux, ils prennent leurs bottes, ils prennent leurs mains et ils greffent des pommiers. Il y a aussi Didier, répondez-moi votre nom de famille. Bric. Didier Bric, qui fait partie de ceux qui ont initié avec Jacques Reny un lopin de terre tout près d'où le TGV passe. Et au lieu de perdre ces terrains qui ont été rendus vacants d'une certaine façon le long du TGV, on y a pensé de planter des pommiers et d'entretenir. Donc les Amis de la Terre joignent l'utile à l'agréable. Ils sortent de leurs locaux pour aller s'occuper d'un verger. Alors, on en reparlera un peu plus tard avec Didier et Jacques. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment ça se passe à Québec. Est-ce qu'il y a des actions dont on doit faire mention qui se dérouleront du 1er au 7 avril, puisqu'il n'y aura pas d'émission de Grains de sable la semaine prochaine, puisque c'est le Radioton de Sécorelle. On vous encourage à faire vos dons. Faites-vous-en pas, les dons que vous faites, ça ne sert pas à payer les voyages en Belgique et en France. C'est à mes frais que je suis ici, et avec évidemment certaines collaborations du groupe de Simplicité volontaire de Québec. D'ailleurs, si je suis ici dans la région de Liège aujourd'hui et demain, c'est pour la présentation du film documentaire que j'ai réalisé, Le bien-vivre simplicitaire d'un café à l'autre. Donc, il y a certaines actions de simplicitaire qui sont faites ici dans la région de Belgique, et je pourrais vous en parler plus tard. Mais d'abord, j'aimerais laisser la parole à Dominique Bernier pour qu'elle nous signifie s'il y a des activités qui vont se dérouler à Québec ou à Montréal où les gens de Québec pourraient participer à cette semaine contre, de lutte aux paradis fiscaux. Bonjour Jean, j'espère que tu profites bien de ton voyage en Europe. Oui. Pour ce qui est des activités qui vont avoir lieu dans le cadre de la Semaine mondiale d'action contre les paradis fiscaux, il y a en fait beaucoup d'actions qui ont lieu à Montréal du 1er au 4 avril principalement. Donc le 1er avril, ce sont des activités familiales qui vont avoir lieu dans le Vieux-Montréal à la place de la Dauversière de 13h à 17h. Alors on invite la population à une pêche aux gros poissons de l'évasion fiscale. Donc il va y avoir des kiosques, une visite guidée du Vieux-Montréal avec Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec, où on va pouvoir découvrir qui profite des paradis fiscaux au Québec, parce que plusieurs des grosses entreprises qui font affaire avec des compagnies offshore pour en fait éviter de payer leur juste part d'impôts ont des bureaux dans le Vieux-Montréal, on le sait. Alors cette visite guidée nouveau genre va permettre un peu d'en apprendre davantage sur les pratiques de ces entreprises-là et de vraiment pouvoir visualiser un peu ce que ça donne l'évasion fiscale, en ce sens que, bon, souvent, c'est des compagnies prestigieuses avec de très gros, très beaux locaux, tout ça. Donc, c'est à la place de la Dauversière et vraiment, on invite la population. C'est sûr que c'est à Montréal, mais ça vaut peut-être la peine d'aller faire une petite tournée à Montréal pour cette semaine d'action contre les paradis fiscaux. En fait, le 3 avril, une autre action est organisée. C'est une manif action. Alors, tout le monde est invité à se regrouper pour dénoncer les paradis fiscaux. Ça commence à midi au bureau de Justin Trudeau à Montréal, donc ah oui? au 11 000, en fait 1100 Crémazie-Est, je devrais dire, c'est-à-dire directement au métro Crémazie. Tout près du métro Crémazie. Donc, à ce moment-là, il y a une action qui va être organisée, dont on ne dévoile pas les détails à l'avance parce qu'on veut garder le secret, mais qui va vouloir interpeller Justin Trudeau davantage pour qu'il fasse sa part pour lutter contre l'évasion fiscale. Et je vais avoir l'occasion d'en reparler durant la deuxième demi-heure de l'émission, mais le budget fédéral est assez décevant à cet égard. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder, mais en fait, le fait de se mobiliser va permettre de vraiment faire en sorte que toute la population présente, tous les gens qui se présenteront pourront mettre leur poids dans la balance pour vraiment influencer le premier ministre et faire en sorte qu'il prenne ses responsabilités face à ce dossier scandaleux de l'évasion fiscale qui fait perdre des milliards de dollars en revenus. Au gouvernement fédéral comme au gouvernement du Québec. Finalement, le 4 avril, pour poursuivre, c'est le spectacle du Front commun comique contre les paradis fiscaux. Ça va avoir lieu au cabaret du Lion d'Or à 20h. Et c'est plusieurs humoristes qui sont regroupés, des humoristes qu'on aime beaucoup entendre, dont Fred Dubé, Colin Boudrias-Fournier, Maud Landry, Sexe illégal et Christian Vanasse. Oui. Il va y avoir aussi des intervenants, donc entre les prestations humoristiques, il va y avoir des interventions d'Alain Deneau, qu'on connaît bien, je pense qu'il se passe de présentation. Alain Deneau, ce chercheur qui vraiment est une sommité en matière d'évasion fiscale, on pourrait dire au Québec, là, c'est un de ceux qui s'est le plus penché sur la question. Il va y avoir aussi Maud Boulanger d'Oxfam Québec. On sait qu'Oxfam a une campagne, participe de façon très, très intense à une campagne contre l'évasion fiscale. Et enfin, il va y avoir aussi Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec, qui va nous faire, qui va en fait faire part de la position d'Attaque et des revendications qu'on a à Attaque Québec, en fait, concernant les paradis fiscaux. Si je peux aller de l'avant avec les différentes revendications qui sont portées par Attaque dans le cadre de cette semaine-là, bien, en fait, la toute première revendication, évidemment, c'est de mettre fin aux paradis fiscaux. Ça fait longtemps qu'on le réclame. C'est quelque chose qui peut être fait de plusieurs façons, notamment en mettant fin à différents accords qu'on a avec des paradis fiscaux notoires et qui permettent, sous prétexte d'éviter la double imposition, en fait, à des compagnies canadiennes de ne pas payer leur juste part d'impôts. Une autre revendication, ben, c'est que les entreprises et les particuliers fortunés se mettent à payer leur juste part d'impôts et que le gouvernement fasse en sorte que ces impôts soient effectivement payés. Ensuite, ben, on souhaite que les gouvernements exigent des multinationales des rapports annuels publics qui dévoilent leurs profits réalisés pays par pays. C'est important parce que de cette manière-là, ça permet à chaque pays de réclamer la part d'impôt qui est liée aux activités qui ont lieu sur son territoire. Alors qu'actuellement, les géants de ce monde, ce qu'ils font, ben, c'est que ils vont, on connaît leur profit global, donc on sait qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est difficile de savoir ce qu'ils font dans tel ou tel pays. Alors à ce moment-là, ils vont payer de l'impôt dans les endroits où c'est où ça leur coûte le moins cher. En fait, ça leur permet de faire des montages fiscaux les plus avantageux pour eux, et ça fait perdre énormément d'argent à nos sociétés. Ensuite, ben, on souhaiterait la création d'un organisme intergouvernemental équitable qui soit géré idéalement par les Nations unies pour mettre en œuvre des politiques fiscales internationales pour imposer les entreprises sur la base de leur bilan consolidé. Donc, on souhaite que ça soit géré de façon démocratique, si on veut, à l'international, puisque les échanges liés aux paradis fiscaux, ben, veut pas, ça se fait à l'échelle internationale. Donc, les pays, en tant qu'entité nationale, ont beaucoup moins de poigne, là, si on peut s'exprimer ainsi, pour faire respecter les pratiques fiscales, pour imposer des pratiques fiscales équitables. Ensuite, on souhaiterait que les gouvernements consacrent prioritairement les revenus fiscaux de l'État aux services publics et aux programmes sociaux essentiels pour combattre la pauvreté et les inégalités, plutôt que d'accorder des cadeaux fiscaux aux entreprises et aux personnes les plus riches de la société. Enfin, ben, une autre revendication, c'est la mise en place d'un régime d'impôt plus progressif, évidemment. Faire en sorte que ceux qui ont de très, très gros revenus soient plus imposés. Donc, il y ait plus de paliers d'imposition pour s'assurer que ce soit le plus juste possible. Et enfin, dernière revendication et non la moindre, que les lanceurs d'alerte soient bien protégés. On le sait, en fait, tout ce qu'on connaît des paradis fiscaux, ben, ça nous vient de gens qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont mis leur tête sur le bio, comme on dit, et qui n'ont pas hésité à lancer l'alerte, c'est-à-dire à couler des informations confidentielles au péril de leur sécurité, au péril de leur emploi et de leur liberté, même dans certains cas, pour faire connaître à la population ces pratiques-là. Donc, c'est la moindre des choses, vu qu'ils rendent un immense service à la société, c'est la moindre des choses qu'on leur accorde une protection particulière. Eh bien, écoute, Dominique, c'est beaucoup de revendications. J'imagine qu'en deuxième partie d'émission, lorsqu'on parlera du budget, tu vas nous dire qu'on n'a probablement pas tout reçu ce qu'on souhaite à Attaque Québec. Ça fait beaucoup de choses à demander et on peut comprendre, on peut deviner quelques déceptions à venir. Mais, par exemple, ici, en Belgique, j'ai eu la chance de parler avec Christine Pagnol, qui est une sorte de porte-parole d'Attaque Liège, ici, dans cette région, et eux disent qu'ils travaillent effectivement aussi sur les paradis fiscaux. Ils ont plusieurs réunions, plusieurs stratégies qu'ils ne veulent pas trop dévoiler, quoique j'en ai déjà dévoilé quelques-unes de leurs attaques sur les façades de banques, notamment avec le réseau pour la justice fiscale. Et elle nous dit que le journaliste David Leloup, réalisateur également du documentaire A Leak in Paradise, je sais pas, est-ce que tu as déjà vu ce film, Dominique? Non, pas encore, non. Ben, moi, je vais certainement le référer aux gens du Festival de films pour l'environnement qui commence du 21 au 29 avril. Je sais qu'ils ont déjà tous leurs films choisis, mais je pense que c'est le genre de film qui pourrait être intéressant à faire venir au Québec. Alors, on a donc un contact grâce à notre réseau d'attaque avec un monsieur Daniel Puissant qui pourrait nous permettre de faire venir ce film au Québec. Et ce que Madame Pagnol nous disait, et là, peut-être que mes amis belges devront m'aider puisque on vient toujours de m'expliquer que il y a un scandale financier qui date depuis longtemps en Belgique et ces revendications, eux, sur les paradis fiscaux, incluent aussi la belle-fils. Imagine-toi, moi j'essaie de voir un parallèle. C'est, imagine-toi qu'il y a eu des banques communales très populaires il y a quelques années qui servent, ou dont les gens dans chacune région s'impliquaient. C'était leur banque avec fierté, mais ça a été pris en main par le privé. Ça a été coté à la bourse et donc des valeurs régionales populaires, populistes que cette banque avait, semble-t-il, a été mis à la bourse et je vous invite toute l'histoire de ces scandales financiers derrière des gens qui sont mis l'argent dans les poches avec la privatisation de cette banque. Donc, un des revendications qu'ils vont faire pendant la semaine du 1er au 7 avril en Belgique, c'est la FISBank, c'est à nous. Ils veulent qu'il y ait un mouvement où qu'on se réaccapare cette banque. Alors, il faut s'imaginer, grosso modo, si on voulait vulgariser pour le Québec, c'est comme si Desjardins demandait qui était très, très impliqué dans les régions, deviennent une grande banque, gérée comme les grandes banques, et qui, justement, encourage les paradis fiscaux, encourage cet argent d'évasion fiscale et tout, et qui se retrouve en faillite, qui est renfloué par le gouvernement. Donc, beaucoup d'argent a été investi pour sauver cette banque. Alors que si elle était restée avec les valeurs du début et qu'elle aurait appartenu un peu comme le mouvement Desjardins en coopérative aux gens, eh bien, ça aurait pu être évité. Et c'est certain que la propriété... Jacques ou Didier connaissent un peu la FISBank, peuvent nous parler qu'effectivement, ça serait une bonne chose que ça redevienne entre les mains des Belges eux-mêmes. Oui, Jacques? Oui, voilà. Donc, Jacques remis à pareil. voilà, moi, je ne suis pas spécialiste financier. Toujours est-il qu'à l'origine, ici, il y avait la COB, c'est-à-dire Caisse ouvrière belge. Donc, le nom dit bien ce que ça veut dire. Donc, c'est des ouvriers qui se mettaient ensemble pour faire de l'épargne. Il y avait notamment aussi le crédit communal. Ça dit bien aussi ce que ça veut dire. Communal pour les communes. Et donc, on avait deux institutions qui étaient vraiment bien orientées à ce niveau-là, bien claires, bien nettes, bien éthiques. Et finalement, petit à petit, c'est devenu, par des rachats, des privatisations, c'est en fait le nom exact, c'est Belfius. Et alors, suite à ça, des dérives pas possibles, et alors des pertes financières à un moment donné, avec les subprimes, puisqu'ils se sont retrouvés dedans aussi, et donc une catastrophe financière. Un rachat, évidemment, par l'État. Et l'État, ben, finalement, c'est qui? Ben, c'est toujours le citoyen. Donc le citoyen, quelque part, a perdu sa banque, mais a dû racheter toutes les erreurs de la privatisation qui est devenue Belfius. Voilà. En résumé, sans être spécialiste, voilà ce que je peux dire. C'est donc, certain que la propriété collective... Dans certaines de leurs actions pour encourager la possibilité de récupérer cette banque entre les mains des gens. En fait, je pense que à ce niveau-là, la partie est perdue et que le bateau a coulé, mais il y a des approches de création de nouvelles banques, en fait. Vraiment, par le citoyen, pour le citoyen et de manière très éthique. Donc voilà ce qu'il y a et ce qui s'est passé aussi. On a une banque en Belgique qui s'appelle Triodos, qui est très éthique et qui a pris une grosse partie de la clientèle, donc d'origine... Caisse ouvrière belge et crédit communal. Donc, voilà, j'imagine que l'éthique veut dire aussi de ne pas investir ou de ne pas encourager les gens à investir dans les paradis fiscaux. Probablement que ce soit une banque qui reste. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ce genre. Je ne sais pas si ça va venir au Québec, Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Ben en fait, ce que j'essayais de dire, j'ai l'impression qu'on s'entend pas très bien entre le Québec et la Belgique là, au niveau du son, mais c'est que la propriété collective, c'est sûr que je pense que c'est un un frein important justement à l'évasion fiscale puis aux pratiques douteuses. Donc, le fait que Desjardins soit une coopérative, même si, bon, on peut s'entendre que peut-être que les valeurs ont un peu migré vers la droite là, chez Desjardins au fil du temps, mais le fait que ce soit une coopérative, c'est quand même un facteur vraiment qui protège contre les malversations dans une certaine mesure. Et effectivement, on souhaite que ça demeure une coopérative et je pense qu'on devrait même, comme citoyens engagés, réinvestir davantage les assemblées générales de ces institutions financières où on peut le faire afin de s'assurer qu'elles conservent des valeurs qui sont proches des citoyens, les valeurs qui ont mené à leur fondation. C'est quelque chose qu'on fait pas assez, selon moi. On laisse un peu ça à des carriéristes parfois et puis ben ça donne ce que ça donne en bout de ligne. Tout à fait, tu as bien raison, Dominique. Et si on revenait en France, tu sais que le 13 mars dernier, histoire de donner des idées à certains militants québécois, des 30 militants d'Attaque France ont symboliquement opacifié les vitrines d'Apple Store de Saint-Germain-des-Prés pour dénoncer l'évasion fiscale pratiquée par la marque de la pomme. Je ne sais pas si tu conduis un Mac, Dominique, ou tu es en HP ou en logiciel libre. Je sais que tu es très proche de la pensée de M. Richard Stallman. Oui, non, je suis pas fan d'Apple. Alors, c'est ça. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent faire comme en France, appelle à multiplier ses actions pour que les multinationales rendent l'argent qu'elles ont détourné depuis des années et qu'elles payent enfin leur juste part d'impôts dans les pays où elles exercent réellement leurs activités. Donc, le 13 mars dernier, des militants ont fait ça en France. Et il y a un petit guide, je suggérerais aux gens d'Attaque Québec de mettre ce petit guide sur l'évasion fiscale qui a été très bien écrit par les gens d'Attaque France. Est-ce que tu as eu la chance de le feuilleter, Dominique? Oui, oui, tout à fait. Les gens d'Attaque France produisent de l'excellent matériel. On est très jaloux, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. On en fait du bon aussi, mais disons qu'ils ont une plus grosse équipe que nous. Donc, ils arrivent à produire vraiment beaucoup de matériel très, très intéressant. Et leur petit guide sur l'évasion fiscale est très, très intéressant. Ça serait bien qu'on l'adapte pour le Québec comme on l'a fait avec le petit guide « Changeons le système, pas le climat ». Juste quelques chiffres sur Apple. En 2016, la Commission européenne a déjà condamné Apple à rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande. À cette occasion, elle a mis dans l'évidence que les clients d'Apple achetaient leurs produits à une filiale irlandaise plutôt qu'au magasin qui leur vendait ses produits. Donc, c'est ce genre de choses aussi qui se passent au Québec, au Canada, sûrement. J'aimerais parler un peu de ma présence au Salon du livre, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Alain Deneau, mais de voir ses livres dans le kiosque Québec Édition, qui regroupe plusieurs éditeurs québécois. Et il y avait vraiment une belle colonne de tous les livres dont on aime d'Alain Deneau. Le livre « Médiocratie » aux éditions Luxe, que tu connais sûrement, Dominique. Mm-hmm. Évidemment, le livre sur les paradis fiscaux aux éditions Éco-Société était là. Alors, je me suis planté devant le kiosque pendant une heure. J'ai pas vu personne l'acheter, mais en tout cas, la présence québécoise d'essayistes au Salon du livre était représentée très bien par Alain Deneau. Et j'ai eu la chance de croiser notre seul académicien québécois à l'Académie française. Tu sais qui, Dominique, j'imagine? Ben, je me doute bien que ça doit être Danny Laferrière. Ben oui, c'est le seul Québécois haïtien, en tout cas. Qui est vraiment le premier Canadien à avoir été nommé à l'Académie française. Donc, c'est intéressant. Je l'ai croisé comme ça. Donc, c'est toujours intéressant. Je souhaite qu'il aille faire un tour aussi au Salon du livre de Paris, de Québec, qui se déroulera la fin de semaine du 8 avril. Et j'ai déjà eu une interview de fait avec Hervé Kempf, qui pourra passer sur son dernier livre, qui est très intéressant, son livre... nous rappelle le déclin de l'Empire américain, en fait, le déclin de l'Occident. C'est un livre pour que tout empire, en fait, aux éditions Seuil. Donc, j'ai pu le photographier là-bas et le feuilleter. Et j'ai eu la chance de rencontrer Hervé Kempf. Il m'a invité mardi dernier à une réunion du comité de rédaction, ce qui détermine le contenu de Reporter.net, dont il est rédacteur en chef. Le seul quotidien en environnement électronique, en fait, à tous les jours, de bons dossiers. Et il y a aussi ce qu'on appelle une minute, une question, qui est très, très intéressant. Je suggère vraiment aux auditeurs d'aller à Reporter comme terre.net. C'est vraiment un quotidien, il y a des dossiers vraiment intéressants. Évidemment, ils ont un spécial sur les paradis fiscaux ces temps-ci et ils ont prévu une interview avec Alain Deneau, mais plutôt pour parler des SLAP. Je ne sais pas si tu te souviens, Dominique, c'est cette loi qui a été faite au Québec il y a une dizaine d'années déjà, pour contrer les poursuites bâillons. Vous savez, ces grandes entreprises qui veulent faire peur aux militants comme nous, soit d'Attaque Québec ou des Amis de la Terre, si jamais on lève le main trop haut, on pourrait se faire poursuivre par des compagnies à coups de millions. Eh bien, Éco-Société, avec le livre Noir Canada, et André Bellil aussi, de la QLPA, avait été poursuivi par des grandes multinationales à des montants faramineux. Alors ça, c'était avant qu'on ait une loi pour protéger ces poursuites bâillons. En France, ça n'existe pas encore, donc ils sont en train, il y a un mouvement en train de vouloir faire en sorte qu'il y en ait un, et Hervé Kempf doit consacrer un dossier prochainement, et il y aura donc les témoignages d'Alain Deneau, d'André Bellil, ce que j'ai pu référer en assistant à leur rencontre, et on m'a demandé de faire aussi une minute, une question, qu'est-ce que la simplicité volontaire, donc je signifierai aux gens quand est-ce que ce sera disponible. Mais vraiment, c'est des rencontres intéressantes à faire, je suggère de vraiment les lectures des derniers ouvrages de Hervé Kempf, qui est ce qu'on pourrait dire le Louis-Gilles Franqueur. Il était longtemps chroniqueur au journal Le Monde en environnement et en biotechnologie, et aujourd'hui, ben, il a quitté Le Monde pour des raisons politiques qu'on expliquera éventuellement, mais essentiellement, avec une jeune équipe, il fait le seul quotidien spécialisé en environnement en français. En fait, ça existe peut-être en version anglophone. Donc, très intéressant, Salon du Livre, mais surtout contrôler, et surtout les invités de romanciers et jeunes romancières. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur carrière en France. Maintenant, j'aimerais vraiment parler avec Didier et Jacques pour nous expliquer ce dont on parlait en début d'émission, ce fameux verger. C'est une idée qui vient de toi, Didier Fick, qui est un professeur de biologie, en fait, dans un collège ici dans la région de Liège. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'apprendre à greffer des pommiers. Vous savez combien de pommiers et d'où vient ce projet-là qui est tellement original de mettre vraiment l'épaule à la roue? Voilà, bien, bonsoir, enfin bonjour le Québec. Donc nous avons actuellement une centaine de variétés de pommes. Donc il faut savoir que dans notre région du pays de Herve, qui était une région fruitière autrefois, il existait plusieurs centaines d'anciennes variétés de pommes et de poires également. Et cela fait maintenant une vingtaine d'années que notre groupe d'Amis de la Terre s'est rendu compte que cette biodiversité locale était en train de disparaître. Elle a disparu notamment ensuite à l'industrialisation de l'agriculture, donc la mécanisation. On a supprimé les arbres des prairies, puisque chez nous c'était un bocage, donc il y avait des haies qui saturaient les prairies, et on faisait une espèce d'agroforesterie, puisque les arbres fruitiers agrémentaient les prés et les vaches pouvaient brouter l'herbe sous les pommiers et sous les poiriers. Mais les tracteurs de plus en plus gros on fait leur apparition, les arbres sont devenus gênants, on a donné des primes pour les supprimer, et le modèle américain aussi de l'industrialisation de la pomme est arrivé chez nous, donc ça revenait moins cher de planter des arbres bastiges qui ne nécessitaient plus d'échelle pour l'entretien, pour la plantation. Et donc on est passé aux pommes industrielles traitées, puisqu'à l'époque le coût des pesticides ne coûtait rien, donc chaque semaine une dose de pesticides arrosés. Arrose toujours d'ailleurs tous les vergers industriels que nous avons, contrairement à nos vergers aux tiges qui eux étaient constitués d'anciennes variétés qui avaient été développées à une époque où il n'y avait pas de pesticides, donc bien avant-guerre, et donc avec des variétés relativement résistantes à toute une série de maladies. Bref, nous avons pris conscience de tout ça au travers de nos activités ici dans la région. Nous sommes un petit peu comme des irréductibles gaulois, puisque nous sommes plutôt le groupe des Amis de la Terre qui est en action sur le terrain. Donc nous avons eu la chance d'avoir, suite au passage de la ligne TGV qui au départ avait défiguré une bonne partie de notre région, mais l'effet positif c'est que beaucoup de terrains avaient été expropriés, et donc là nous avons pu investir entre 6 et 8 hectares depuis 2008. Et depuis 2008, eh bien, nous partageons notre savoir avec le plus grand nombre au travers de chantiers, d'animations, et nous apprenons au grand public à planter, tailler, greffer, entretenir et multiplier toutes les variétés locales et anciennes pour les maintenir pour les générations futures. Donc c'est très intéressant de voir que vous mettez vraiment l'épaule à la roue, vous mettez vos mains dans la terre. Je vous ai vu couper des branches pour améliorer la qualité des arbres, et il y a un système de parrainage. C'est une chose que je veux suggérer d'ailleurs. Dominique, toi, tu as déjà travaillé comme chargé de projet en agriculture, justement, aux Amis de la Terre de Québec. Tu peux comprendre que c'est pas tellement familier à Québec, au Québec, que les organismes qui organisent beaucoup de belles activités de défense des droits, comme on fait très bien aux Amis de la Terre, des activités de conférences éducatives. Mais de là à sortir nos membres, d'aller leur faire planter des pommiers, s'occuper des pommiers, il y a même du miel qui se fait, il y a de l'éducation sur le terrain de comment utiliser une serre. On a même fait une réunion à l'intérieur de la serre. Et tout ça, ça appartient aux Amis de la Terre et à d'autres groupes du coin. C'est quand même assez unique. Est-ce que vous êtes les seuls en Belgique qui fait ce genre d'activité-là vraiment concrète et non pas que des conférences ou des films qu'on voit assis autour d'une table, quoi? Eh bien, en ce qui concerne les Amis de la Terre, je pense que nous sommes le seul groupe. Maintenant, un autre groupe vient de naître, mais bien plus jeune, en s'inspirant de nos activités du côté d'Esneux, donc un autre coin de Liège. Mais sinon, nous sommes les pionniers des Amis de la Terre à avoir investi un terrain et à faire du concret, du pratique. Maintenant, l'idée aussi, c'est que finalement, au travers de la pomme, oui, bien sûr, il faut préserver les anciennes variétés de pommes, mais on peut véritablement sensibiliser le public à vivre autrement, à vivre plus simplement au rythme des saisons, à manger des fruits non traités, issus d'un autre type d'agriculture. Donc on peut sensibiliser à un autre modèle agricole, on peut sensibiliser à une autonomie alimentaire, manger des fruits de saison, se réapproprier la terre pour cultiver aussi. On peut évidemment parler du compost, on peut parler de la toilette à litière biométrisée. Donc finalement, c'est tout un ensemble que nous abordons au travers de... Mais c'est un beau grain de sable, ça, des diéphiques, des Amis de la Terre, du Herve. Il y a sûrement des grandes surfaces dans le coin qui ne vous aiment pas, qui vous regardent du coin d'œil en disant « Mais c'est qui ces gens-là qui me volent mon marché ?» Vous apprenez aux gens à cultiver eux-mêmes, vous apprenez aux gens à faire leur propre potager et donc à essayer de couper court ce circuit de grandes surfaces. Absolument, voilà, oui, nous sommes, comme je disais, des irréductibles Gaulois dans notre région. Ah oui, les Gaulois en Belgique, c'est plutôt les Tintins. Et Jacques, vous êtes, Jacques René, vous êtes un fermier, non? Vous vivez sur une ferme, en fait, mais vous êtes très impliqué dans les Amis de la Terre. Je vous ai vu nous expliquer tout ce que vous faites. Ici, il y a même une section simplicité volontaire. Oui, oui, tout à fait. Donc, comme Didier a expliqué, lui, c'est vraiment la cheville ouvrière du verger qui à travers cette thématique, touche toutes les autres. Et effectivement, donc, aux Amis de la Terre, il y a d'autres thématiques. Il y a l'usage de l'eau de pluie, il y a le non-usage de l'énergie, qu'on appelle le négawatt. Il y a, bien sûr, la promotion de la biodiversité et l'alimentation solidaire. Et globalement, enrobant tout ça, il y a la simplicité volontaire. Voilà. Si on rentre par un thème, on peut ressortir par un autre. Enfin, finalement, tous les thèmes se touchent. Et voilà, c'est les pommes qui sont le point central ici. Mais il y a toutes les autres thématiques qui sont là et se vivent au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Jacques René. D'ailleurs, c'est grâce à votre invitation et celle de Bénédicte Masson que j'ai pu venir ici dans le pays du Herve à Liège. Merci beaucoup d'avoir fait cette invitation qui a justifié notre passage ici. Donc, après la pause, on sera avec Dominique Bernier. Restez avec nous parce qu'on va parler du budget. Moi, j'ai suivi ça un peu à distance, là, à plus de 6 heures d'avion. J'ai pas pu tout vivre, ces budgets provinciaux et fédéraux dont on parle probablement beaucoup et dont on rêve. J'ai quand même vu au fédéral une missive passée où semble-t-il qu'on investirait plus dans la lutte à l'évasion fiscale, mais je me fie à Dominique pour analyser tout ça. Mais juste avant de vous laisser à la pause, je veux quand même qu'on nous rappelle que si le 3 avril 2016, donc l'an dernier, le scandale des Panama Papers, la plus importante fuite d'informations jamais exploitée par des journalistes, si ces documents concernant 214 000 sociétés offshore et les noms de leurs propriétaires n'auraient pas été rendus publics, donc il y a un an, eh bien, je ne crois pas qu'on aurait autant de possibilités de voir des actions concrètes de nos gouvernements à venir. Donc, on en reparle après la pause avec Dominique Bernier. Restez avec nous. Vous écoutez CKRL 89.1. Dont on parle moins. Le 1er avril, CKRL et le Bal du Lézard vous présentent à l'occasion du Radioton Ariola, Laura Babin. Je peux pas savoir. Je peux passer trop loin. De 21h au Bal du Lézard et en direct de CKRL. Come on! Découvrez la première biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont au pavillon Pierre Lassonde du MNBAC. Cet hiver, célébrez l'art de la joie. Salut, ici c'est Alain Slate, propriétaire du Bal du Lézard et porte-parole du Radioton de CKRL de cette année. La fin de semaine du 31 mars, c'est le Radioton et je vous invite à écouter et à être généreux envers cette radio qui est unique à Québec. You have the power. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien oui, c'est le Grain de sable en direct de la région de Liège, le pays du Herve. Et il y a en studio, heureusement, Dominique Bernier est de retour avec nous en studio. Merci d'être là, Dominique. Donc, moi, juste une petite nouvelle que tu as sûrement entendu parler lorsque ça a sorti. Les riches veulent payer, Dominique. On me dit que l'or est à la redistribution. 80 personnes parmi les plus grosses fortunes de l'État de New York viennent d'écrire aux législateurs, c'est probablement des amis à Donald Trump, une requête qui précise qu'ils veulent payer plus d'impôts. Ils ont en effet proposé de créer une nouvelle taxe sur le revenu pour les citoyens les plus aisés de l'État. Une initiative révélée hier par la presse américaine, ça c'est la semaine dernière en fait, permettrait de lever 2 milliards de dollars. Alors je sais pas si les gens ont tellement peur de se faire pogner, comme on dit, dans les paradis fiscaux, peut-être qu'ils vont offrir eux-mêmes de donner des milliards avant. Mais entre-temps, il y a des budgets. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le budget, Dominique Bernier, qu'il faut savoir? Quels sont les grains de sable? Ben en fait, si je peux y aller, premièrement avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 521 millions de plus qui seront investis pour la lutte aux paradis fiscaux. Wow. Donc, ça s'ajoute aux 444 millions qui avaient été annoncés en 2016. Donc, c'est de l'argent supplémentaire et le total de ces deux montants-là va permettre de ramener 2 milliards supplémentaires dans les coffres de l'État fédéral, du Canada, en fait, sur 5 ans. Ça veut dire que les sommes investies dans la lutte aux paradis fiscaux permettent de doubler, sont doublées. Ça, c'est pour chaque dollar investi, on reçoit 2 $ en gain. Donc, c'est intéressant. Et c'est un montant qui sera investi, en fait, en lien avec les recommandations du comité parlementaire des finances qui a entendu les intervenants sur le scandale de KPMG. Donc, c'est certaines des recommandations qui étaient présentes dans ce rapport-là qui seront suivies. Notamment, le gouvernement va demander à ceux qui font les montages financiers, en fait, aux différentes compagnies et conseillers de ces compagnies-là, de déclarer toutes les transactions qui démontre de l'évitement fiscal. Donc, bon, mais on s'entend, ce sont des mesures volontaires un peu d'une certaine manière. C'est pas la mer à boire, mais cet investissement-là est une bonne chose. Par contre, ça s'arrête un peu ici parce que ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs mois, le ministère des Finances, Bill Morneau, avait annoncé qu'il y avait au moins pour 3 milliards de dollars d'échappatoires fiscaux qui seraient annulées, en fait. Donc, toutes sortes de mesures un peu partout qui permettent aux plus riches et aux grandes entreprises de payer moins d'impôts. Le ministre avait annoncé l'intention de les fermer. Les Canadiens pour la justice fiscale, un groupe qui étudie ces différentes politiques-là, calcule pour sa part que ça pourrait qu'il y a jusqu'à 16 milliards d'échappatoires fiscales qui sont inefficaces, qui se cachent un peu partout dans la réglementation et qui permettent aux plus riches d'éviter de l'impôt et qui pourraient facilement être retirés. Donc, mais même si le gouvernement allait de l'avant en éliminant les 3 milliards d'échappatoires fiscales qu'il considère qu'il peut enlever, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Mais malheureusement, le gouvernement a décidé de reporter cette révision-là des différents programmes qui permettent d'éviter de l'impôt. Et en fait, la raison qu'il donne, c'est un peu l'incertitude face à l'élection de Donald Trump et le fait que Donald Trump aux États-Unis souhaite donner davantage de cadeaux aux plus riches, souhaite réduire, alléger le fardeau, si on veut, des grandes compagnies des plus riches. Devenir plus compétitif en matière fiscale. Et donc, le gouvernement du Canada a peur un peu a peur de perdre ses riches pour que, qui iraient massivement, qui migreraient massivement vers les États-Unis, advenant le cas où le président Trump faisait ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais c'est un peu fallacieux comme argument, en fait, parce que la plupart de ces échappatoires-là ne changeraient pas grand-chose. En particulier, y a un programme qui est l'option d'achat sur action qui permet en fait d'éviter 800 millions d'impôts principalement aux dirigeants de grandes entreprises, là. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça leur donne, quand ils encaissent des actions comme ça, ils achètent des actions de leur propre compagnie et qu'ils les encaissent, ben ils ont 50% d'escompte de taxes, si on veut. Ils paient des taxes seulement sur 50% de ce montant-là, alors que si ça leur était versé en salaire, ben ils paieraient de l'impôt sur 100% de ce montant-là. Donc, c'est une façon de se verser un salaire, mais de pas payer de l'impôt sur la totalité de ce salaire-là. Donc, ça pourrait facilement être aboli. Je suis pas certaine que les compagnies en cause, que les dirigeants en cause déménageraient pour autant. Ils sont associés à des compagnies qui ont leur siège social au Canada, donc ils peuvent pas nécessairement, ils sont un peu captifs d'une certaine manière. Et il y a peu de chances qu'ils puissent s'enfuir là, pour cette seule raison-là. Donc, ça fait longtemps que c'était que le premier ministre promet qu'il va s'aborder ce programme-là, mais ce n'est pas fait. Pour la deuxième année consécutive, il renonce à le faire. Et en fait, à la place, ils ont enlevé un énorme échappatoire fiscal qui permet aux Canadiens de recevoir 200 $ environ, entre 150 et 200 $ de crédit d'impôt par année pour leur abonnement mensuel de transport en commun. Donc, on a considéré que cet échappatoire fiscal-là, c'était très, très important de l'éliminer. Donc, c'est sûr que, bon, on s'entend que c'est un crédit d'impôt, donc il faut payer de l'impôt pour y avoir droit. Mais c'est un petit montant, c'est pas nécessairement la mesure qui favorise le plus le transport en commun, mais quand même c'était un petit montant qui permettait l'équivalent de 2 laissez-passer mensuels par année nous soit remboursé là au moment où on fait notre rapport d'impôt, qu'on puisse le déduire de notre impôt. Donc ça, c'est un échappatoire fiscal très très grave là qui a été éliminé. Mais par contre, tout ce qui est la question des gains en capitaux qui permettent encore une fois aux compagnies et aux particuliers très riches qui reçoivent un gros revenu d'investissement d'économiser 50% d'impôts sur ce montant-là. Si c'était éliminé, ça permettrait au gouvernement de recevoir 10 milliards de plus en revenus par année. Wow. Ouais, et ça encore, le gouvernement ne souhaite pas, ben en fait a décidé de ne pas l'éliminer. Donc le budget, c'est une question de priorité. Hein? On sait que 92 % de ces bénéfices-là qui viennent d'échappatoires fiscales profitent aux 10 % les plus riches de la population. Le fait de ne pas s'attaquer à ça, ça montre des choix. Et le fait de plutôt couper une petite mesurette qui permet aux gens qui choisissent le transport en commun, qui font partie de la classe moyenne, de recevoir de recevoir 15 % en fait de ce qu'ils ont payé en transport en commun dans l'année en crédit d'impôt, ben ça c'était, si pour le gouvernement c'était important de couper ça plutôt que de s'attaquer aux gains en capitaux, ben ça montre des choix idéologiques clairs. Donc, puis en environnement, est-ce qu'il y a des choses dont on doit savoir? Ben, souvent, quand on met de l'argent dans certaines priorités, ça peut changer la structure du marché. Est-ce qu'on parle de subventions au bio? Est-ce que toi, comme spécialiste en agriculture environnement, tu as vu des choses intéressantes, outre ce demi-milliard contre les paradis fiscaux? Ben écoute, il y a plusieurs choses dans le budget, mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des montants qui sont investis en infrastructure, mais le détail de où ça va être investi n'est pas encore déterminé. On sait que le Québec mise sur trois grands projets, dont le prolongement de la ligne bleue à Montréal, dont le fameux train électrique, et aussi l'accès plus direct entre Lévis et Québec là, en matière de transport en commun, donc un autobus en voie réservée qui serait ultra rapide là, qui permettrait de relier les deux rives. Ça, c'est les trois projets québécois qui souhaitaient voir recevoir du financement dans ce budget-là. Mais bon, c'est le financement en matière d'infrastructure est annoncé de manière globale. Donc, il va falloir attendre un peu pour connaître le détail du découpage et savoir si ces projets-là sont financés. Donc, sans doute qu'il va y avoir des éléments intéressants là, en matière d'infrastructures plus écologistes, mais pour ce qui est de la lutte aux paradis fiscaux, ce qui est un peu davantage ce que je me suis attardée à étudier là, dans ce budget-là, ben il y a beaucoup de chemin à faire. Et l'argument de compétitivité par rapport aux États-Unis en matière fiscale dans le contexte de la présidence de Trump est d'autant plus faux et fallacieux que les taxes aux entreprises aux États-Unis sont beaucoup plus basses au Canada qu'aux États-Unis, c'est-à-dire 13 % les entreprises paient 13 % de moins d'impôts au Canada qu'aux États-Unis. Donc on est déjà très très compétitif aux dépens de nos services publics en fait qui doivent compenser qui se voient moins financés parce que les entreprises, justement, ne payent pas leur juste part d'impôt puis que leur part d'impôt a diminué au fil du temps. Donc, les coffres de l'État sont... on reçoit moins d'argent collectivement de la part des entreprises. Donc, cet argent-là ne peut pas être investi comme il le devrait dans les services publics. Là. Donc, C'est la réponse gouvernementale à cette onde de choc planétaire que les Panama Papers avaient créée il y a un an exactement. En fait, le 3 avril, ça fera un an. Et il y avait eu des manifestations monstres en Islande, plus de 150 instructions lancées dans 79 pays, des démissions de dirigeants, des multiplications des engagements politiques. Donc, c'est la réponse du premier ministre Justin Trudeau. Est-ce qu'on attend des choses du côté du Québec aussi? Ben, du côté du Québec, on sait que ça commence à sentir les élections. Bon, le budget va être dévoilé le 28 mars prochain, donc c'est très bientôt cette semaine. Et on sait que c'est une année de surplus budgétaire. On sait qu'il y a vraiment un surplus budgétaire important. Et qu'une grosse partie de ce surplus-là va être investie dans le Fonds des générations pour donner l'illusion d'un équilibre budgétaire, donc donner l'impression qu'on n'est pas en surplus, mais que, en fait, l'argent qui est investi dans le Fonds des générations, c'est l'argent du surplus, là. Il pourrait être investi davantage dans les programmes sociaux. On a déjà quand même une petite idée de ce qui va être investi. On sait qu'il va y avoir du saupoudrage de mesures à droite, à gauche pour essayer de plaire à la population là, dans un contexte préélectoral. Mais il faut pas se laisser avoir parce qu'il va être annoncé, notamment dans les services publics. Il y a un énorme manque à gagner parce que les trois ans d'austérité libérale ont fait mal au service public, ont fait mal au secteur de l'éducation et de la santé principalement. En fait, selon la Centrale des syndicats du Québec, juste pour maintenir le minimum qu'on a actuellement sans que ça s'affaiblisse davantage dans les services publics, il faudrait réinjecter 767 millions de dollars de plus que ce qui a été annoncé déjà. Donc c'est simplement pour maintenir au niveau actuel, c'est même pas pour réparer ce qui a été affaibli depuis 3 ans là. Pour réparer ce qui a été brisé par les mesures d'austérité, il faudrait injecter près de 2,3 milliards de dollars de plus, donc par rapport à ce qui a été actuellement prévu en 2017-2018. On s'attend pas à ce que le gouvernement le fasse. Donc, de cet argent-là, ça prendrait au moins 450 millions de dollars en éducation supérieure et 650 millions de dollars en santé, puis quelques 150 millions pour la petite enfance. Et on s'attend à ce qu'il y ait un petit saupoudrage pour donner l'impression qu'il y a un réinvestissement, mais on pense que ces montants-là ne viendront même pas permettre de maintenir les services à leur niveau actuel. On n'est pas encore assez proche des élections générales pour qu'il y ait des beaux cadeaux. Non, faut effectivement. Faut attendre encore. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de faire passer ça pour des cadeaux. Mais dans les faits, ça ne maintient même pas les services à leur niveau actuel. Donc, faut pas se laisser leurrer par les chiffres. Il faut faire une analyse pointue et prendre compte du manque à gagner qui a été créé par 3 ans d'austérité aussi. Donc, tu sais, Dominique, le gouvernement du Québec a quand même organisé des commissions parlementaires. Tu sais, M. Lanoux d'Attaque Québec est allé présenter un mémoire devant les députés. Toujours pour expliquer la vision justement d'Attaque Québec face aux paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le budget à ce qu'ils répondent par un projet de loi, par une loi spécifique? Bien, ce qui se passe en matière de paradis fiscaux, c'est que même si, bon, dans le rapport de la commission sur les paradis, la commission qui a étudié la question des paradis fiscaux, il y a quand même certaines des recommandations d'Attaque Québec qui s'y trouvent bien représentées. Donc, on était assez contents de voir ça. On en a déjà parlé à l'émission d'ailleurs. Mais de là à ce que ça se traduise en projet de loi, ben, il faudra le voir pour le croire. Disons que si ça arrive, tant mieux, mais c'est loin d'être certain. Et puis, souvent, ce qui se passe, c'est que le gouvernement du Québec renvoie la balle au gouvernement fédéral pour toute la question de l'évasion et de l'évitement fiscal des grandes corporations. Et lui se contente en général principalement de s'attaquer au travail au noir, donc aux petits commerces qui font de la double, qui font une facture, qui permettent de payer en dessous de la table et aux gens d'éviter les taxes. Mais très peu de travail est fait là, pour contrer l'évasion faite par les grands de ce monde, là, la grande évasion, ils sont beaucoup moins efficaces pour le faire. Donc, à moins que ça change, qu'on voit un revirement de situation majeur au Québec, ben on peut pas s'attendre à grand-chose du prochain budget en matière de lutte à l'évasion fiscale. Merci beaucoup, Dominique Bernier. Juste avant de vous laisser, répéter justement les actions qu'on devra prendre ou les invitations qu'on peut faire aux auditeurs pour participer à la semaine sur les paradis fiscaux du 1er au 7 avril. J'aimerais saluer Didier Bric des Amis de la Terre du Herve ainsi que Jacques Rémy. Et avant de partir, M. Bric, est-ce que vous pensez que c'est possible pour les Amis de la Terre de Québec, dans le cadre de leur 40e anniversaire, de pouvoir devenir propriétaire, de parrainer un de ces arbres dont vous êtes responsable? Quoi, il y a quasiment 200 arbres, 200 pommiers, incluant des châtaigniers, des poiriers. Est-ce que les Amis de la Terre signent d'amitié, puisque, vous savez, les Amis de la Terre de Québec ont été fondés par un citoyen de la région d'ici même, Michel Jourdan, il y a quasiment 40 ans maintenant, a fondé les Amis de la Terre de Québec. Il venait de ce petit coin de pays-là. Donc, je pense, moi, comme président sortant des Amis de la Terre, le 20 avril, il y aura un nouveau conseil d'administration qui me succédera, mais moi, je vais leur recommander de parrainer un arbre ici. Est-ce que c'est possible, M. Didier Bric? Ah bien, c'est avec grand plaisir, bien entendu, qu'un de nos filles l'orphelin trouvera un parrain en Les Amis de la Terre Québec. Ça nous ferait très plaisir. Ça nous donnera un bon rappel des échanges qu'on a pu avoir et qui sait, créer des liens pour l'avenir. Et avec Jacques Rémy, on a eu la chance, M. Rémy, merci de nous avoir fait visiter l'arbre numéro 70 à côté de l'arbre 69 de Mme Bénédicte Masson qui nous a invités ici en premier. Merci de nous avoir fait visiter cet arbre et je vais suggérer aux Amis de la Terre de Québec que cet arbre, qui porte un nom assez spécial, je crois. Oui, c'est le Sarola. Sarolia. Et c'est un nom de pomme, en fait, mais qui est devenu un nom de voiture. Ça a été un nom de voiture, effectivement. Alors, est-ce que c'est la voiture qui a pris le nom de la pomme ou l'inverse? Mais je pense que la pomme devrait exister avant. Et l'avantage de ce pommier, il est le long de la ligne TGV. Donc, tous les gens qui vont prendre le train de Paris vers Bruxelles, vers Cologne, pourront saluer l'arbre, le futur arbre des Amis de la Terre de Québec pour célébrer ses 40e anniversaire des Amis de la Terre de Belgique. Merci beaucoup. Moi, je vous laisse entre les mains de Dominique pour donner les derniers détails. Merci beaucoup à Michel Gay, Michel Gauthier, pardon, à la réalisation. Et je m'excuse d'avoir fait des pubs un peu en retard. Michel, t'es un champion, tu fais bien ça. Merci d'avoir été là. Moi, je sais que les geeks contre-attaquent après. Et c'est aussi Michel qui réalise cette émission qu'il ne faut pas manquer. Alors, salut Québec, je te laisse conclure l'émission, Dominique Bernier. Merci d'avoir été là, c'est toujours intéressant de t'entendre aussi bien documenté. D'accord, il ne faut pas manquer la semaine d'action contre les paradis fiscaux qui aura lieu du 1er avril au 4 avril prochain. Plusieurs activités de prévues, tous les détails sur le site québec.attaque.org. Merci et bonne journée. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette année, le Radioton de CKRL vous sera présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre responsable de la capitale nationale, M. François Blais. Le ministre de la Culture et des Communications, M. Luc Fortin. La députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, M. André Drolet. Et le député de Beauport, Limoilou, M. Alupa Clark. Merci de votre soutien à CKRL. Ce dimanche 26 mars à 14h30, au Grand Théâtre de Québec, l'Orchestre symphonique de Québec, fidèle à sa grande tradition, jouera avec les étudiants du Conservatoire et de la Faculté de musique pour un concert qui réunira plus de 100 musiciens sur scène et qui vous transportera au cœur des chefs-d'œuvre français avec Ravel et Debussy. Ce concert est gratuit pour les enfants de 12 à 16 ans. Tous les détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Marco de la succursale du Vieux-Québec vous propose la bande dessinée Duke de Herman et Yvache. Herman, père et fils, ont démontré qu'ils maîtrisent le Far West, ses personnages, ses conflits, ses codes. En selle sur votre bronco, chevauchez à travers cette série western digne des plus grands classiques. Et Dominique de la succursale Saint-Roch vous suggère Petit Monstre. Ce nouvel album jeunesse de Marie-Louise Gay m'a complètement enchantée. Quel délice que ces petites histoires mettant en scène des enfants tout aussi craquants les uns que les autres. À lire et à relire. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Le Cœur à lire vous invite à ses activités spéciales. Le mercredi 1er mars de 13h30 à 15h30, le café spécial Jeux interactifs. Le mercredi 15 mars de 13h30 à 15h30, participez à un partage de lecture. Et dimanche, le 26 mars de 13h30 à 17h30, le Cœur à lire vous invite à un atelier de musique traditionnelle québécoise et internationale pour toutes les personnes immigrantes et d'origine québécoise au centre multiservice Le Complice de Charlebourg. Le café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177 71e rue Est à Charlebourg, 418-841-1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Matt Vizio vous présente son tout premier opus, Avant la mort des fleurs cueillies. Comme l'amour se déchire, sous le ciel nippon. J'ai vu fondre l'avenir. Je suis atterri sur ton front, sous des soleils de plomb. Avant la mort des fleurs cueillies, disponible dès maintenant. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Aucun Boeing sur mon train. Le 8 avril prochain, Steffi Choc sera au Grand Théâtre pour présenter les pièces de son album « 12 belles dans la peau », soulignant le 25e anniversaire du décès du grand Serge Gainsbourg. Comment te dire adieu? Lors de cet hommage des plus convaincants, il sera accompagné des chanteuses Gaëlle, Amélie et Sophie Pelletier, en plus du bel orchestre, constitué de 5 musiciens parmi les meilleurs au Québec. S'il est libre, dites que vous voulez 44. Steffi Choc le 8 avril au Grand Théâtre de Québec. Billets en vente sur billettech.com. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement.